labeur, et l'enfer qui t'appelle, et l'enfer qui te suit. Et l'éternel remords, et l'angoisse éternelle. À toi, malheur, à toi.